Éphésiens chapitre 2. Et lorsque vous étiez morts en vos fautes et en vos péchés, dans lesquels vous avez marché autrefois, suivant le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, qui est l'esprit qui agit maintenant, avec efficacité dans les enfants rebelles à Dieu, entre lesquels aussi nous avons tous conversé autrefois, dans les convoitises de notre chair, accomplissant les désirs de la chair et de nos pensées, et nous étions de notre nature des enfants de colère, comme les autres. Mais Dieu, qui est riche en miséricorde, par sa grande charité de laquelle il nous a aimés, lors, dis-je, que nous étions morts en nos fautes, il nous a vivifiés ensemble avec Christ, par la grâce duquel vous êtes sauvés, et il nous a ressuscités ensemble, et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes, en Jésus-Christ, afin qu'il montrât dans les siècles à venir les immenses richesses de sa grâce, par sa bonté envers nous, en Jésus-Christ. Car vous êtes sauvés par la grâce, par la foi, et cela ne vient point de vous, c'est le don de Dieu. Non point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Car nous sommes son ouvrage, étant créés en Jésus-Christ pour les bonnes œuvres que Dieu a préparées, afin que nous marchions en elles. C'est pourquoi souvenez-vous que vous, qui étiez autrefois gentils en la chair, et qui étiez appelés prépuces, par celle qui est appelée la circoncision, faite de main en la chair, étiez en ce temps-là hors de Christ, n'ayant rien de commun avec la République d'Israël, étant étrangers des alliances de la promesse, n'ayant point d'espérance, et étant sans Dieu, au monde. Mais maintenant, par Jésus-Christ, vous qui étiez autrefois loin, êtes approchés par le sang de Christ. Car il est notre paix, qui des deux en a fait un, ayant rompu la clôture de la paroi mitoyenne, ayant aboli en sa chair l'inimitié, savoir, la loi des commandements, qui consiste en ordonnances, afin qu'il crée les deux en soi-même pour être un homme nouveau, en faisant la paix, et qu'il réunit les uns et les autres pour former un corps devant Dieu, par la croix, ayant détruit en elle l'inimitié. Et étant venu, il a évangélisé la paix à vous qui étiez loin, et à ceux qui étaient près. Car nous avons par lui, les uns et les autres, accès auprès du Père, en un même esprit. Vous n'êtes donc plus des étrangers, ni des gens de dehors, mais les concitoyens des saints, et les domestiques de Dieu. Étant édifiés sur le fondement des apôtres, et des prophètes, et Jésus-Christ lui-même étant la maîtresse pierre du coin, en qui tout l'édifice, posé et ajusté ensemble, s'élève pour être un temple saint au Seigneur, en qui vous êtes édifiés ensemble, pour être un tabernacle de Dieu en esprit.